même pas ses misères. On est jamais même. Et tu es pour, tu crois pas. Mais elle est guidée. À mon avis, il y charge. Le nom t'es fait que même. Que moi c'était tigre. Le nom t'es fait grimer. Tigre, moi c'était tigre. On vient pas mon dégoûtant. Aïe, maman chérie. Aïe, maman chérie, où m'est allé? M'a senti moins délivré. Où m'est allé? M'a senti moins délivré. Senti moins délire.